Évariste Ndikomanyanga. Nous sommes dimanche 15 novembre 2020. Bienvenue à ce journal, édition de la mi-journée, dont voici d'abord le sommaire. L'État burundais compte plus de 129 000 fonctionnaires, des chiffres qui émanent du récent recensement des fonctionnaires de l'État, indique le secrétaire général de l'État et porte-parole du gouvernement après le conseil des ministres tenu cette semaine. Vous l'entendrez dans ce journal. Les Inhamba Murugamba affrontent ce dimanche les Mauritaniens au stade Inouari dans un match retour comptant pour les éliminatoires de la CAN 2021. Les amateurs du ballon rond de la capitale économique Bujumbura souhaitent la victoire aux hirondelles. Et la chronique nutrition de ce dimanche sera consacrée à la banane mûre. La mise en œuvre de cette édition est assurée par Eli Kadoko. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Ouvrons ce journal par la page sécurité. Un homme du nom d'Ongenda Kumanali de la colline Gisenyi, commune Buhiga de la province Karusi, a été retrouvé, son corps suspendu sur corde dans sa maison. Sa famille et les voisins disent que cela s'est passé vers 20h de cette nuit après que cet homme d'une trentaine d'années venait d'un bon nom loin de son ménage. Ce dernier indique que son père de 3 enfants se serait suicidé, mais signale qu'ils en ignorent le motif. Ce qui est confirmé par la police qui s'est rendue sur place le matin de ce dimanche pour le constat et qui indique avoir déjà entamé des enquêtes. Plus de 129 000 fonctionnaires de l'État constituent l'effectif brut issu du récent recensement des fonctionnaires. Ces chiffres sont fournis par le secrétaire général et le porte-parole du gouvernement après le conseil des ministres tenu cette semaine. Prosper Nagwamiye précise qu'il y a eu des tentatives de blocage de ce recensement et ajoute que la note relative propose l'extension du recensement aux sociétés mixtes et au secteur privé. Suivez Prosper Nagwamiye dans un extrait de ce conseil des ministres. Dans le souci d'avoir les données fiables en rapport avec toutes les ressources humaines de l'État en vue d'une gestion rationnelle, il a été demandé au ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi d'organiser un recensement général des fonctionnaires, cadres et agents civils rémunérés sur le budget général de l'État. Ce recensement, initialement prévu pour les 26 et le 27 octobre 2020, a dû être prolongé jusqu'au 6 novembre 2020 suite à l'entrée en jeu de nouvelles institutions qui n'avaient pas pu participer à la formation organisée à cette fin. Comme résultat obtenu, l'effectif brut des fonctionnaires est de 129 287 avant retraitement. Les fonctionnaires en détention, hospitalisés ou se trouvant à l'extérieur du pays n'étant pas encore recensés. La note montre l'effectif par ministère et par province de résidence. La note indique les difficultés rencontrées, entre autres la résistance au changement avec comme exemple les tentatives de blocage du recensement par les syndicats. Comme perspective d'avenir, la note propose notamment la mise en place d'un centre de données qui hébergerait toutes les données collectées par le gouvernement ainsi que l'extension du recensement aux sociétés mixtes et au secteur privé. À l'issue de l'analyse de la note, le conseil a apprécié le travail qui a été réalisé et a formulé certaines recommandations, notamment l'élaboration d'une proposition de mise en œuvre des perspectives d'avenir. Prosper Nagwamiye, secrétaire général du gouvernement et porte-parole. Parlons justice transitionnelle à présent. L'usage des discours qui rappellent le passé douloureux pour constituer une entrave à la bonne cohabitation des citoyens peut plutôt constituer une entrave à la bonne cohabitation des citoyens. Pour Lambert Akuzuyaremye, socio-anthropologue, ces discours peuvent même conduire à des crimes de masse. S'ils deviennent monnaie courante, ils conseillent aux citoyens de privilégier leur sentiment de patriotisme plutôt que celui d'appartenance à des groupes sociaux. On l'écoute. Cela n'est pas une réalité actuelle, mais ça date de très longtemps, et surtout après les indépendances, où la mobilisation de l'ethnie a été considérée comme une ressource politique, et surtout pour les politiciens. Alors, ce qui est réel, c'est que, bien sûr, sur le plan politique, l'ethnie s'est remarquée profitable de la part des politiciens. C'est pourquoi même aujourd'hui, on entend ce genre de messages. C'est surtout des messages qui sont diffusés par, surtout, les hommes politiques ou d'autres personnes avec des mauvaises intentions. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce genre de message ne relève pas d'une réalité de la société burundaise, parce que les Burundais, si l'on prend culturel, partagent beaucoup de pratiques culturelles. Les discours sont énormes parce que, comme disait Amin Malouf, ces identités qui sont mobilisées aujourd'hui ont été qualifiées d'identités meurtrières. Le passé est témoin. On a vu que beaucoup de tragédies douloureuses qu'a connu notre pays ont été catalysées par la mobilisation de l'ethnie. Donc, c'est la même chose aujourd'hui. Si on continue à semer la terre à travers l'ethnisme, on peut entraîner aussi des malaises au niveau de la cohésion sociale des Burundais. Bon, je pense que la stratégie qu'on peut mobiliser, c'est surtout un conseil, et surtout pour la jeunesse. Il faut développer un esprit critique, c'est-à-dire la jeunesse ne devrait pas prendre, non seulement la jeunesse, mais toute la population burundaise qui entend ce genre de discours, doit développer un esprit critique, ne pas considérer ce genre de discours comme une vérité de l'évangile, mais au moins essayer d'interroger les faits et observer et voir que les Burundais en soi se reconnaissent comme les Burundais et non pas comme de telle ou telle autre ethnie. Isanganiro, la radio de l'avenir. Page agriculture à présent, les sols situés sur les zones de hautes altitudes comme dans les Migwa et Mugamba sont plus menacés par l'acidité du sol. Une précision du professeur d'université ce vendredi lors d'une conférence sur les fondements physiques, chimiques, microbiologiques et environnementaux de la fertilisation organo-minérale des sols tropicaux. Une conférence organisée par le centre CRAV de l'université du Burundi, Salvatore Kaboneka, trouve que le chaulage systématique n'est pas à envisager. Suivez-le. Les sols acides ont été cartographiés. Il y a du travail de cartographie qui a été fait par la tripartite, IFDC, ISABU et ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement. C'est bien spécifique. Ce sont des zones de haute altitude et des zones de plateau où vous avez une plus forte pluviométrie par rapport aux zones de plaine que sont le Mosso et Limbo. Donc, cette approche de collection de l'acidité se fait dans ces zones de plateau de haute altitude où il y a une forte pluviométrie qui aboutit justement à la perte de ces cations basiques. Il y a d'autres problèmes dans les plaines, notamment la salinité. Pour moi, croire qu'une variété miracle peut être produite pour produire sur des sols acides, c'est inconcevable. Moi, je dis que tout projet en matière d'agriculture devrait d'abord corriger l'acidité des sols, donc mettre les conditions idéales à cette nouvelle variété améliorée de s'exprimer et de produire. Propos recueillis par Moïse Misago. Le cultivateur de la province Bubanza apprécie le programme du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de multiplication et de vulgarisation des semences de maïs qui sont productifs et résistants aux maladies. Il déplore cependant le comportement des spéculateurs qui le revendent à un prix exorbitant. Les autorités administratives et agricoles mettent en garde ceux qui s'arrogent le droit de vendre ces semences. Ils s'exposent aux sanctions prévues par la loi. Ajoute-t-il les détails avec Spécialitas Cabagnana. Un kilo de maïs hybride du programme national de subvention des semences coûte 3600 francs à la direction provinciale de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Bubanza. Les cultivateurs apprécient ce programme de multiplication et de vulgarisation des semences et précisent qu'il s'agit des semences très productives et résistantes aux maladies par rapport aux semences traditionnelles moins résistantes et moins productives selon les mêmes cultivateurs. Ces derniers déplorent cependant le fait que certains commerçants achètent ces semences à la DPAE et les revendent dans des boutiques et dans les marchés à un prix très élevé de 6500 francs, 7000 francs et plus le kilo. Et c'est dans certains marchés de Musenyi, Muzinda et Gihanga. Les autorités administratives et agricoles déplorent également les faits et mettent en garde ces commerçants qui vendent illégalement des semences du programme de l'État. Wirinda Ikeza, directeur à la DPAE Bubanza, précise que ces commerçants seront sanctionnés conformément à la loi une fois attrapés et appelle les cultivateurs à chercher ces semences à la DPAE seulement et non ailleurs. Spécialité Skavanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci à Space Caritas Kabanyana. Revenons sur la capitale économique et Bujumbura pour parler sport. L'équipe nationale du Burundi, Intamba Murugamba, va disputer son match retour contre l'équipe de la Mauritanie ce dimanche sur la pelouse du stade Nwari à 15h dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations au match aller. Les deux équipes avaient égalisé sur un score d'un but partout. Le Burundi cherche à tout prix la victoire pour espérer une probable qualification. Suivez le point de vue des amateurs du ballon rond sur les tactiques qui devraient être adoptées pour remporter cette rencontre. On les écoute. Le coach devrait d'abord aligner les joueurs qui sont habitués aux compétitions. Les joueurs doivent eux aussi se donner corps et âme pour que l'équipe nationale puisse se qualifier. Les joueurs doivent être courageux et surtout ne pas avoir peur. Nous demandons aux joueurs de jouer correctement. Ils l'ont prouvé lors des deux derniers matchs qu'ils fassent mieux encore. Les amateurs du ballon rond burundais sont appelés à soutenir leur équipe pour que les joueurs se sentent supportés. Les joueurs doivent aussi éviter de commettre des fautes et suivre les injonctions de leur entraîneur. C'était là les amateurs du ballon rond qui souhaitent la victoire aux hirondelles. Les accidents de circulation sont la principale cause de décès chez les enfants et les jeunes adultes de 5 à 29 ans. Et 90% des victimes de la route sont à déplorer dans des pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire. C'est du moins le message du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, en cette journée du 15 novembre où le monde se souvient des victimes des accidents de la route. Selon toujours le secrétaire général des Nations Unies, la sécurité doit être au cœur de tous les systèmes de mobilité pour atteindre l'objectif ambitieux de réduire de moitié le nombre des personnes tuées ou blessées sur la route d'ici à 2030. Radio Isanganiro, chronique nutrition. La banane mûre est un aliment aussi un bon fruit pour combattre la constipation et assiste pour équilibrer et protéger le système cardiovasculaire, calmant l'hypertension artérielle, selon Gilbert Nangwahafi, chercheur expert en nutrition. La banane mûre est riche en potassium. Elle est une très grande source d'antioxydants et de vitamines du groupe B et autres. Chronique nutrition de ce dimanche avec Jean-Marie Mayonk. La banane est l'une des plantes cultivées au Burundi qui a son origine en Asie du Sud-Est. Elle possède un très grand apport en nutriments, minéraux et vitamines. Selon le chercheur Gilbert Nangwahafi, la banane mûre est riche en sucre et prévient contre l'hypertension artérielle. La banane mûre est très riche en sucre, très facilement assimilable par l'organisme. Plus le fruit mûrit, plus son taux de sucre augmente. Ça prévient l'hypertension artérielle selon les recherches scientifiques. Une banane de taille moyenne contient 432 mg de potassium et pratiquement dépourvu de sodium. Un ratio potassium-sodium parfaitement équilibré, bonne digestion et santé du type digestif, santé cardiaque car très riche en fibres, création de cellules saines, augmente la montée de thèse, lutte contre l'anémie, optimise ses performances athlétiques, prévient le cancer grâce à ses antioxydants, vitamine C, dopamine, composés phénoliques, contient aussi des lectines, protéines particulières qui seraient aux glucides, présentant des propriétés antiprolifératives, ce qui pourrait expliquer ses effets contre le cancer cérébral. La banane mûre est recommandée à une certaine catégorie de gens, dont les personnes sportives et aux personnes âgées, selon Gilbert Nangwahafi, expert nutritionniste. Grâce à son taux de sucre, il est recommandé aux sportifs, aux intellectuels, aux femmes enceintes, aux enfants en pleine croissance. ovaires aussi, à la personne faisant des travaux exigeant de la force. Lorsque la banane est verte, elle resserre une grande quantité d'amido en glucides complexes, tandis que le fruit mûri des enzymes vont agir à l'intérieur et transformer ce glucide en des cycles plus simples tels que le fructose et le glucose. Si on mange 3 bananes par jour, sera à pourvantage. Selon les conseils donnés par les scientifiques, manger 1 à 2 bananes ou bien 1 à 3 bananes par jour, c'est bon pour notre santé. La banane peut être consommée sous plusieurs modes. Concernant sa préparation, il y a des sortes de bananes qu'on consomme étant mûres, d'autres en salade ou étant cuites. D'autres on les transforme en jus ou en d'autres boissons. L'enquête menée en 2014 par plusieurs chercheurs au niveau mondial précise le nutritionniste JB Nangwafi a montré que les personnes qui consomment bien la banane mûre ne peuvent pas avoir de problèmes dus au cancer. Voilà, c'est sur cette chronique nutrition de Jean-Marie Mayonga que l'on referme cette édition. Mais à ceux-là qui viennent de capter en cours de route, je rappelle que les Inhamba Murugamba affrontent ce dimanche les Mauritaniens au stade Inouari dans un match retour comptant pour les éliminatoires de la CAN 2021. Les amateurs du ballon rond de la capitale Bujumbura ont souhaité la victoire aux Hirondelles. Il est à noter qu'au match aller disputé à Nouakchott, en Mauritanie, les Inhamba et l'équipe mauritanienne ont égalisé un but partout. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eli Kadok pour sa parfaite collaboration technique à la présentation. Vous étiez avec Evariste Nzukobanyanga. Bonne journée dominicale à toutes et à tous.